ましい。ジェルシャン、サタミートメッティーザベテバイコンネッティカマーンド。バイロー、ディケケショーズ。 D'accord, j'arrête. Bah, et toi, Anton, ça t'amuse? Bah, moi, j'ai rien fait, moi. Non, mais tu fais semblant de prendre des photos, c'est pas mieux. Et alors? Joue aux journalistes. C'est bien ça qu'ils font, les journalistes. Ils prennent des photos, ils font jamais rien. Ouais, bah, tu me copieras 100 fois. Je dois aider mes petits camarades. De toute façon, c'est toujours moi qui prends. Je m'en fous, je vais te dire à ma mère.